Nadine Clément claqua la porte de son bureau. En un mois, son aversion pour la petite Fontanelle n'avait fait que croître. De quel droit lui avait-on flanqué cette femme dans les pattes? Et comment allait-elle s'en débarrasser? Bien sûr, d'un point de vue professionnel, elle n'avait rien à lui reprocher. Excellent diagnostic, relations très humaines, trop, avec les malades, compte-rendu clair et concis, sérieux des prescriptions, Pascal Fontanelle semblait quasiment inattaquable. À la rigueur, les nombreux examens qu'elle demandait étaient parfois superflus. Or, dans un hôpital de cette importance, chaque patron devait contrôler les dépenses de son service. Nadine allait en profiter pour convoquer Pascal et lui faire la leçon, histoire de voir sa réaction. Si cette pimbèche se révélait incapable d'accepter les remontrances, ce serait une bonne occasion pour la remettre à sa place, ou même pour provoquer un esclandre. Penchée au-dessus de son interphone, Nadine demanda à sa secrétaire de lui apporter tous les dossiers suivis par le docteur Fontanelle. Rien que ce nom lui était odieux. Les Fontanelle. Depuis leur départ de la région 20 ans plus tôt, Nadine les avait occultés, oubliés, bon vent. Et voilà que la propre fille de Camille revenait, affichant d'un air innocent une foutue ressemblance avec sa mère. Le prétendu charme asiatique, absolument insupportable. D'ailleurs, du Vietnam et de la guerre d'Indochine, Nadine n'en pouvait plus. Elle en avait trop entendu parler dans sa jeunesse. La secrétaire entra, chargée d'une pile de grandes enveloppes Kraft. Chaque patient ayant consulté en pneumologie avait la sienne, avec une étiquette portant le nom du médecin traitant. En 4 malheureuses semaines, la petite Fontanelle avait vu tout ce monde. Sans bruit, la porte se referma, et Nadine fut de nouveau seule. Elle terrorisait ses collaborateurs. Elle en avait bien conscience, mais elle était persuadée que son service ne s'emportait que mieux. L'ordre et la rigueur étaient ses chevaux de bataille. Parce qu'elle avait été élevée par un militaire ? Haussant les épaules, elle s'attaqua au dossier, bien décidée à trouver la faille.